Des grosses frappes et la mort au bout de nos titres. Du HF dans le holster, finesse et clic clic. 14 et une qui traîne automatique. Clan, armure et musique. Du pouce et de l'index. Mes textes sales écrits au Tipex. Triste chanson, criblé de HF et de coups de pression. Des tirs précis, c'est du rap français petit. Ça sent la pute qui écoute trop de pecno. Éjecte ce que des mets du lourd dans la vago. Baisse le siège et monte le son. Mouille les feuilles en bougeant la tête, garçon. Le gun sur la tempe et un garci. 92, des cuvetages, côte terre, je te le dis. Des bandits sur bande sonore. Du ver combat, des îles Comores. Dans les chambres de Monsieur Smith. En attendant la suite, pisse sur toi parce qu'arrivent nos disques. Danger, les tracks n'en peuvent plus. Les morceaux sautent, se plaisent ou se tuent. Je dégaine par instinct. Je souffle au bout de mon pic. Eh hey, petit, je te préviens. La prochaine fois, je lâche un autre vin. De l'instinct et du style, funeste HF, c'est hostile, ça se distille. HF, funeste, holster, militant, militaire, et musique, c'est austère, frère, le CO du deux. De l'instinct et du style, funeste HF, c'est hostile, ça se distille. HF, funeste, holster, militant, militaire, et musique, c'est austère, frère, le CO du deux sphères. C'est bien plus qu'un cri de guerre, on s'en bat les couilles de prouver, ça shoot et c'est tout. Même si à part on s'en fout, ça tire à bout portant, il suffit d'un coup, win ton ghetto blaster. Avec le volume 1, HF funeste est tourné. Pour les connaisseurs, ceux qui veulent halluciner. Assis sur une chaise, gun sur la tempe et boum boum, il est temps. On arrive avec chose qu'elle derrière le dos. Ça tourne le cerveau, ça nique les mythos. C'est pour bientôt, raison de vivre, c'est maladif. Je veux que ça tourne à la mort, qu'on fasse péter le score encore. Des efforts à long terme. Y'a du monde qui attend, ça a du mal à se contenir. On leur dit attends, attends, pas pour le moment. Ça veut tout péter, tout ce qui se fait. Mais t'as écouté, on a envie de te dire. Ça prouve que ces dernières décennies, c'est effrité, hargneux dans nos gènes. Criminel pour l'État, on baise en thème. Ça crise, c'est là qu'on voit la traîtrise. C'est du rap de l'instinct et du style. Funeste HF, c'est hostile, ça se distille. HF, funeste, holster, militant, militaire. Et musique, c'est austère, frère, le CO du deux. De l'instinct et du style. Funeste HF, c'est hostile, ça se distille. HF, funeste, holster, militant, militaire. Et musique, c'est austère, frère, le CO du deux. Un peu souple, vite de nous charrier en couple. Vous décrochez une paire de points, là tu tiens le scoop. Tu connais ma troupe, le CO. Dans la faune, Eric se coupe, coupe ADN, OPO. Viens pas me croquer ma soupe. Tu sens que tes côtes sautent à l'écoute. Tête haute, nos charismes vous envoûtent. Tout seul, tenu en laisse par le sexe et les scènes. Tout seul, dans nos têtes, dans nos tests, devant nos textes. Tout ça, dans nos propos, en opposition avec le racisme. Moi l'hétéro, t'es homo, fais ta vie, chacun fait son trou. Et tant mieux si t'es ravi, nous, du neuf de sphère, nos pères. Capital austère depuis le 9-4 et nos thèmes sortis hors saison se sèment. HF de l'île funeste, le hors série. De l'armerie produit. De l'instinct et du style. Funeste HF, c'est hostile, ça se distille. HF, funeste, holster, militant, militaire. Et musique, c'est austère, frère, le CO du deux sphères. De l'instinct et du style. Funeste HF, c'est hostile, ça se distille. HF, funeste, holster, militant, militaire. Et musique, c'est austère, frère, le CO du deux sphères. HF, funeste, rap homicide. La presse. Armerie musique 9-2 9-4 Holster 22 frères.